monde tremble, c'est la panique. On s'interroge, on est songeur. Où est-ce qu'il loge notre sauveur? Un peu plus tard, de gros avions. Chute dans le noir, pour quelle raison? N'as-tu rien vu, rien empêché? Où étais-tu? T'es débordé. Je crois pas en toi, y'a trop de misère. Trop de désarroi dans les cimetières. Et toi qui t'en vas, tu t'en vas, la la la. Prends-le, toi qui l'as tant voulu. Montre-lui ton monde inconnu. Mais toi tu t'envoles, tu t'envoles, la la la. Plus loin, plus haut que ces oiseaux qui sont si heureux loin de nous. Tu t'envoles. Hiroshima ou Oradour, t'étais pas là ou à la bourre. Dans les tranchées où c'est que t'étais, en congé ou à RTT. Et puis ce jour en plein juillet, et pour toujours je t'en voudrais. Tu t'es pointé pour l'enlever, comme je l'aimais, oh je l'aimais. Je crois pas en toi, y'a trop de misère. Pour qui, pourquoi, toutes ces guerres? Et toi qui t'en vas, tu t'en vas, la la la. Prends-le, toi qui l'as tant voulu. Montre-lui ton monde inconnu. Mais toi tu t'envoles. Plus loin, plus haut que ces oiseaux qui sont si heureux loin de nous. Tu t'en vas. Il s'en va. Il s'en va.